Monsieur, quel diable de style prenez-vous là? Ceci est bien pis que le reste. Je vous aimerais bien mieux encore comme vous étiez auparavant. J'espérais toujours de votre salut. Mais c'est maintenant que j'en désespère. Et je crois que le ciel qui vous a souffert jusqu'ici ne pourra pas souffrir du tout cette dernière horreur. Va voir le ciel. N'est pas si exact, tu penses. Mais il ne faut pas que les gens se... Si elle me donne la vie, il faut qu'il parle. Un peu plus clairement, s'il veut que je l'entende.